Garcia, Djibril, exercice de style, ok. Aïe, le featuring qui fait mal. J'ai le pur stylo micro. Exercice de style avec un flow plutôt hostile. C'est Djibril, je remets le truc à niveau. J'ai trop les croches, deal, du bon pour un gros. Pour tous mes potos, avec un Arkia on fait un feat. On nique le beat, c'est la relève du RAP. Bientôt on sera l'élite. Sur ce titre, ça kick dur, l'instru, je la fracture. Fume ta BR nature, fais péter son dans ta voiture. T'arriveras pas à me faire taire, ma voix un tremblement de terre. Tellement fort qu'elle buzz l'échelle de Richter. Nique sa mère, nique son père, là j'ai envie d'être vulgaire. Bah quoi, j'avais envie d'être vulgaire. Ce que tu dis n'engage que toi, ce que je dis n'engage que moi. Je représente le 9-4, la capitale du pleura. Et toute cette team, ça rime, c'est clean. C'est de la bonne comme la cocaïne. Fine que Nikos met dans les narines. Ce texte c'est un défouloir à prendre au second degré. Le rap game est infesté de rappeurs sans qualité. 100% indépendant, si tu veux c'est pas pour maintenant. Tu comprends notre pleura, c'est d'artisanat pour le moment. Quand même trop puissant, nous fais bouger ton derrière. Je t'avais dit en 2006, le rap j'en fais mon affaire. Je suis déterre, déterminé à propager mes idées que j'écris sur papier. Je prends le micro pour défoncer l'instru. Je suis pas comme toutes ces meufs qui se font défoncer le cul, qui se disent vierges et qu'on le trou plus large qu'une balle de tennis. J'arrive bientôt, tu diras qu'Anarchia c'est ton plus gros vice. Je suis pas là pour m'amuser, MC, prends-moi au sérieux. Djibril et moi, on vient juste mettre le feu. Sois pas vénère si on te chourave les 10 de platine. Si j'ai les nerfs, c'est que dans mon sang y'a plein de caféine. Mon flow fait mal comme la balle qu'a tué Kennedy. Pire qu'un virus contre moi, y'a pas de remède. Arrête la picouse et viens ici te soigner. Ici, bordel, je suis d'humeur dévastatrice. Peut-être encore amatrice, mais dans le je fais mon creux. Aujourd'hui l'instru on la saigne à deux. Rai, hey mec, je vois que tu jouis face à ma musique. Je boxe avec les mots et je te matique. Mec t'es KO, représente le 78 et le 974, c'est mon île. Je suis sur batterie, un déchargeable, marche pas avec des piles. Aussi rapide qu'un sniper, notre son dans ton autoradio. En clair, moi je suis en voiture et toi t'es en vélo. Pédale, peu importe, trop rapide est notre flow. Je suis pas la nouvelle star mais tu vas rester, t'es chaud. Ce son j'en profite pour le dédicacer à tous les MC qu'on est en train d'enterrer. Si tu veux continuer, va falloir te renouveler. Car derrière ta porte, y'a des jeunes qui veulent percer. C'était Anarchia en direct de BDA qui vient sauver la vie du peura. Hardcore dans mes vers, j'espère que t'as compris à qui t'avais affaire. Y'a pas de test, c'est nous les baisse. On te baise avec nos 16, nos faces pèsent à l'aise. La technique est trop balèze, aussi violent qu'un ouragan. Je terrasse tout sur mon passage, comme les phares qu'en Colombie. Tes oreilles, je les prends en otage. Ça sent l'orage dans le périmètre, c'est du lourd, appelle-moi maître. Guette comment, l'instrumental, je te l'apprends. Le vrai sur l'autoroute du RAP. Je vous ai tous pris de vitesse, fraîche chez ma musique. Même si je ne viens pas d'une test, j'ai beau être modeste, je suis numéro 1 dans ce business. Mais même si moi débarquer et stress, des peurs que j'ai blesse. Moi je suis l'iceberg, le rap game c'est Titanic. Tu comprends maintenant pourquoi tous les MC paniquent. Exercice de style, t'as kiffé ou quoi? Djibril et Anarchia, le 78 et 94. Broya, on n'est pas sur le haut de la scène, mais on est déter. Pas encore de maternelle, mais on est déter. Alors fais attention parce qu'on est derrière. À la moindre erreur, on attaque avec nos lyriques imbattables. T'as faim, alors mets-toi à table, que je te serve du bon son. Intestable, notre musique, une maladie incurable. Bientôt tu pourras dire qu'on est détestable.